Ceci est une lecture d'Anouk pour audiocité.net sous licence art libre. John Antoine No. Les trois amours de Benigno Reyes. Texte du domaine public disponible sur inlibroveritas.net, sur des musiques mises à disposition sur archive.org, collection 78 RPMs and Cylinder Recordings, licence Creative Commons Public Domaine, de Carlos Gardel, Insomnio, Rosas de Otoño, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y La comparsita, si supieras. Et musique de l'orchestre Argentin Canaro, Yo no sé por qué te quiero, El Tigre Milán, hymne 1938. Bonne écoute. Es de noche, pasa rezongando el viento que dobla los sauces cuasi contra el suelo. Y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre del lecho de tiento. Ce matin-là, il parut à Benigno Reyes qu'il s'éveillait non seulement de son long sommeil sans rêve, mais encore d'une torpeur de 15 années qui l'avait rendu indifférent à l'étrangeté des êtres et des choses. De sa fenêtre, il apercevait l'immense rade foraine aux flots verdâtres un peu jaunis, comme huileux, sous le ciel d'outre-mer intense, dont toute la splendeur ne parvenait pas à modifier la teinte morne du grand désert marin, à peine mouvant, sans écume et sans courant perceptible. L'océan Pacifique, partout ailleurs si radieusement céruléen, semble, sur plus d'une centaine de lieues, le long de la côte sud-ouest du Pérou et de la portion tropicale du Chili, reflétait la tristesse de la terre effroyablement aride et farouche. Tout près de Benigno, un petit quai aux pierres fendillées s'effritait entre deux maisons basses d'un délabrement sinistre, toits grisâtres crevés par places, vérandas effondrées sur des piliers en arc, volets à moitié arrachés, et le plus lugubre, c'était que ces ruines avaient des habitants. D'affligeantes familles au teint de sépia, maladives et déguenillées, dont les enfants ulcéreuses et rachitiques somnolaient devant les cases, accroupis dans la poussière et les ordures, ou jetaient des pierres à des chiens inclassables. Des rails luisants, c'était tout ce qui brillait dans le paysage. Filaient à perte de vue sur le sol fauve et sec, entre deux rangées de poteaux télégraphiques, seule végétation de la contrée, avec un maigre cocotier empanaché de pennes plutôt jaunes, un acacia épineux, vestige d'un square dont les grilles subsistaient, 5 ou 6 cactus raquettes d'un ton de cendre à peine verdi, et 3 aloès monumentaux, mais valétudinaires, des aloès mal portants. Un semis de plâtras, de construction roussâtre ou crayeuse, dessinait tant bien que mal des rues difficilement discernables. Vue prise de la fenêtre, et c'était là, dominée par une énorme, une titanesque muraille de montagnes nues, sauvages et effrayantes, le panorama intégral de Toboadongo, ville maritime du Chili, province de Tarapacá, par 19 degrés 30 minutes latitude sud et 72 degrés 39 minutes longitude ouest, conquise sur le Pérou en 1878. Saline, dépôt de nitre, 5900 habitants. Pour parler comme les dictionnaires de géographie commerciale. Benigno Reyes regarda un moment l'appareillage d'un voilier dépeint, rouillé, gondolé, aussi galeux et lépreux que le décor terrestre. Il envia les 14 ou 15 privilégiés, capitaines et équipages, qui se confiaient à sa charpente dangereuse pour fuir l'abominable région désolée, et leur souhaita dans son cœur bon voyage et bonne arrivée. C'eût été vraiment trop terrible de se noyer sans avoir revu les terres un peu plus amènes que les plages de la maudite province de Tarapacá. Mais c'était égal. Leur sort, quel qu'il fût, demeurait préférable au sien. Ils avaient de grandes chances, à présent, de ne pas mourir à Toboadongo, tandis que lui... Ah, le charmant séjour que ce Toboadongo. Certes, sans compter les assommoirs, on y possédait comme lieu de distraction un bureau télégraphique des mieux montés. On pouvait même téléphoner des messages aussi facétieux qu'inutiles à de joyeux employés logés dans des postes cahutes au beau milieu de paysages vagues où les habitants étaient aussi rares que les arbres. Par contre, il fallait généralement visiter 4 ou 5 magasins avant de découvrir des denrées médiocrement comestibles. L'unique boulanger n'avait pas toujours assez de farine pour faire du pain pour tout le monde et les approvisionnements de riz et de maïs étaient limités. Le boucher ne tuait que les jours où les vapeurs de la Great Inca and Patagonian Company débarquaient pour son compte 2 ou 3 veaux monstrueux, tout en pattes et en côtes, fallacieusement qualifiés de « bœufs » ou d'attendrissants petits moutons à mine d'enfants poitrinaires. Et si l'on découvrait assez facilement, de temps à autre, chez l'épicier teinturier ou chez le restaurateur pharmacien, des pets carrés de morue bien jaunes, rigides comme la femme de Lot, et pour la même raison, on ne voyait pas une barque de pêcheurs sur la mer pourtant follement poissonneuse. Des légumes? Il n'y en avait que sur les planches coloriées de quelques bons ouvrages de botanique enfouis dans la bibliothèque du Seigneur Cura, curé. Mais, en revanche, abondaient sur le marché de jolis morceaux de cuir de basane, connu sous le nom flatteur de tasajo, viande séchée. Certains colosses, munis d'estomacs de tôle ou de platine, se vantaient, en exagérant un peu, d'avoir digéré de ces tiges de bottes au moins 3 fois dans leur vie, après quelques heures de combat. Les jours de spleen, on avait la ressource de faire pas mal de lieues dans la campagne, sur la plateforme du tramway électrique de système ultra perfectionné qui circulait depuis un point sans nom dont la population consistait en un factionnaire gratifié d'une guérite à claire-voix jusqu'à la station del Gran Libertador, moins triste puisqu'à défaut de tout abri humain on y voyait encore les fondations d'un ancien magasin à salpêtre que de hardis spéculateurs avaient eu jadis l'intention d'y construire un casino. Ils avaient eu bien soin de ne rien bâtir du tout après y avoir mieux réfléchi. Mais une personne d'imagination moyenne pouvait toujours passer quelques minutes agréables à se figurer la somme d'animation et de gaieté qu'eût pu fournir un Kursaal édifié en un pareil endroit. Cependant, la compagnie du tramway, Limited, faisait mal ses affaires, bien qu'une excursion en l'un de ces cars offrit tout autant d'intérêt, grâce à la variété des sites, qu'une promenade sur une table de cuisine passée à l'ocre et indéfiniment prolongée. Il y avait aussi un chemin de fer qui pouvait, un jour ou l'autre, d'après les projets de ses entrepreneurs, réunir Toboadongo à divers grands centres de la Bolivie. Mais la gare seule était terminée, les travaux ayant dû prendre fin le jour où la société du Ferrocarril International Suramericano avait reçu la désastreuse nouvelle du naufrage de sa locomotive coulée à pic dans le détroit de Magellan avec le steamer qui la portait. Il y avait de plus les parlottes chez le pharmacien, le club installé dans la fameuse gare un club où les cartes tachaient les doigts et où l'on ne trouvait à boire que de l'eau-de-vie de pisco, un club où, sur 12 membres, 10 étaient la plupart du temps malades ou en voyage, l'hôtel belge où l'on mangeait du homard conservé, il y avait encore. Mais Benigno trouvait tout cela parfaitement insuffisant, surtout ce matin-là où la tristesse le reprenait à la gorge aussi furieusement que le jour de son arrivée. Après 15 ans d'un engourdissement qu'il ne s'expliquait plus. Il importe de dire que Reyes était un calme canarien du Puerto de la Orotava dans l'île de Tenerife, généralement un peu plus imaginatif et réfléchi qu'une mule de son pays natal. Du moment qu'il gagnait sa vie, le milieu ne lui importait guère, et avant de se fixer à Toboadongo, il avait déjà pérégriné quelque peu à la recherche, non d'une position lucrative, mais tout simplement de maigres gages permettant des festins de soupe et de gofio, farine de maïs, plus le luxe d'une très petite tirelire. Ses passages sur les bateaux, il les avait toujours payés en travail. Fils de bourgeois ruiné, pourvu d'une instruction décente, il s'était vu obligé de se faire ouvrier pour vivre et d'émigrer en conséquence, la furibonde vanité de ses parents ne l'ayant jamais autorisé à exercer une profession vile sur le sol qu'il daignait fouler. Successivement scieur de long, puis trieur de tabac aux environs de La Havane, plâtrier à Caracas, chauffeur sur la voie ferrée de Colón à Panama et charpentier à bord d'une goélette équatorienne, il avait été débarqué sans una pera chica, un sou, à Toboadongo par le capitaine Irigoyenechea du port de Guayaquil, le vilain soir où ce navigateur, plus ivre qu'à l'ordinaire, s'était aperçu que la présence d'un marin étranger déshonorait la vieille carcasse de son navire. Et dans l'atroce bourgade chilienne, la chance souriait enfin à Benigno Reyes. Deux garçons d'auberge, il devenait commis de négociant. Plus tard, négociant lui-même, et spéculait aujourd'hui sur les nitres sans trop de maladresse. Sa petite maison était l'une des demeures confortables de Toboadongo. Tout est relatif. Il figurait sur la liste des 3 membres de la chambre de commerce locale et pouvait rémunérer les services d'une vieille bonne indienne et d'une espèce de vacher cuivré à face patibulaire qui pansait un cheval poussif que l'on sortait le moins possible et faisait les commissions, ou pour mieux dire, se traînait lentement d'une boutique de fournisseur à une autre, se vautrant des heures le long du premier mur venu. Ses quelques amis buvaient parfois chez lui de la bière hambourgeoise, fabriquée à New York, et y fumaient au grand jour des puros de la Havane importés de Huánuco. On avait vu sur sa table, un soir de réveillon, ces choses invraisemblables. Une boîte de galantine. La seule qui fut jamais parvenue jusqu'au rivage de Tarapacá. Sans doute à la suite d'une erreur. Des fruits confits et une douzaine de harengs. Aussi, Benigno Reyes prenait-il de coutume la vie comme elle venait, sinon très joyeux, du moins sensible aux horreurs ambiantes. N'avait-il pas conquis une situation inespérée? Sa minuscule tirelire s'était muée en coffre-fort de taille moyenne et, s'il pouvait un jour faire rentrer ce qu'on lui devait, ne lui deviendrait-il pas loisible de regagner son archipel dans une bonne cabine de paquebot, d'aller redorer la vieillesse de ses parents et s'installer dans une petite finca payée de ses cuartos à l'ombre des dattiers et des pêcheurs d'uranceros. Mais ce matin-là, il venait de se rappeler qu'il avait atteint ses 40 ans dans la nuit, en tenant compte de la différence des longitudes. Il était l'un des rares canariens qui sucent le jour et l'heure de leur naissance. Et tout à coup, il était pris d'une colère froide mais féroce contre sa destinée. Avait-il jamais vraiment joui d'un seul des rares bonheurs de la vie? Il s'était toujours vu travaillant et travaillant encore, sans autre plaisir que les plus grossiers, dépourvu de toute réelle affection. À peine avait-il eu le temps de connaître les beaux, les fameux rêves de jeunesse, et lequel de ces rêves s'était réalisé. Oui, il possédait 4 sous, c'était entendu. Mais après, avait-il eu jamais la chance de s'amuser une fois, pleinement, franchement, comme on prétendait que tant d'idiots, qui ne le valaient pas, arrivaient à faire avec conscience et régularité? Avait-il rencontré une seule femme qui l'eût aimé? Que savait-il des joies sentimentales ou intellectuelles ou de quelque joie que ce fût du reste? Ah, la belle vie que la sienne! D'abord l'errance forcée, alors qu'il était de goût sédentaire, et l'errance avec tout un cortège de misère, de mauvaise fièvre, de privation. Puis la prospérité à Toboadongo. Dans un milieu de crétins, d'avachis ou de filous tolérés, incapables d'une idée qui ne se put monnayer, dans un décor de masures croulantes peuplées d'êtres de cauchemars, sous les rutilances d'un soleil splendide qui n'illuminait qu'une funèbre, qu'un infect paysage couleur de guano. Reyes quitta la fenêtre qu'il referma d'un coup de pied. Brutalité inconcevable de la part de ce flegmatique. Eh bien, tant pis. Il ne casserait toujours pas de carreaux, puisque, dans ce divin pays, on remplaçait les cristales par des jalousies à lamelles de bois mobiles, manœuvrées par un jeu de ficelles et de clous. Il eut envie de se recoucher, d'annihiler pour des semaines, en tenant les yeux fermés et sa porqueria de Chile, cette cochonnerie de Chili. Mais, comme il regagnait son lit, son cuarte et assommier de peau de bœuf, son regard fut attiré par le petit rectangle blanc et noir du bloc calendrier, d'où il avait, comme toujours, arraché un feuillet la veille au soir après la dernière cigarette, à la minute où il allait éteindre sa bougie et se couler dans ses draps. « Espèce d'animal, grommela-t-il, puisque tu as été capable de te souvenir de la date à laquelle tu prends tes années, comment n'as-tu pas eu l'instinct de te dire que le jour suivant, le 15, était jour de paquebot? Et tu te crois un commerçant? Il est vrai que pour le courrier que tu as à expédier cette fois, pleine morte saison. » Après s'être fâché, il s'égaya, clinant de l'œil malignement du côté de l'horizon. La fenêtre rouverte, avec tendresse cette fois, et murmurant d'un air bonhomme. On va se la souhaiter, sa petite fête. Quelle ressource que ces Capharnaüm de paquebot. Il y a de tout à bord. De tout. Enfin, c'est déjà bien gentil ce qu'il y a. Il avait raison de reprendre sa bonne humeur. C'était un gros événement. Un événement agréable que l'arrivée des steamers qui, 2 fois par mois, l'un remontant de Valparaíso et Escales, l'autre descendant de Panama, en touchant à tous les ports de la côte, venait visiter la gracieuse et plaisante rade foraine de Toboadongo. Tout le littoral d'Esmeraldas à Lota, et plus spécialement l'interminable région rousse et maudite comprise entre les Chinchas et la Caldera, comptait les jours et même les heures, à partir des sorties jusqu'aux entrées des bienheureux vapeurs. Toute la population saturée par le soleil et rongée par l'ennui des Tarapacas et des Atacamas sortait de sa léthargie dès que l'un des Inca and Patagonians était signalé. Ce surtout des célibataires à leur aise, hijos del país ou étrangers dont les piastres avaient besoin de changer d'air, se distinguaient par leur allure frétillante et leur rage un peu comique d'aller canoter sur la rade à la rencontre du paquebot. Lassé des eaux de vie du Pérou, des nourritures invraisemblables ingérées pendant 15 jours, et disons-le aussi, des rares maritones indiennes dont la laideur n'eût pas préservé de leur entreprise la très relative vertu, Il ne mettait pas des heures à prendre le Patagone à l'abordage. Car chacun des vapeurs de cette ligne maritime qui desservait la longue côte occidentale du Sud-Amérique était, pour la plus grande indignation des passagères bourgeoises perspicaces, pour le plus intense dégoût des capitaines et des officiers, et pour la plus complète joie du riche conseil d'administration de la compagnie, à la fois un restaurant flottant, un café, un magasin et une sorte d'assez convenable bateau de fleurs. Embarqués sur ces steamers pour des périodes variables, de fines liméniennes dont les visages de camées aux fières courbes délicates s'éclairaient de prunelles de flammes. Des guayaquilaises, bronzées d'un charme sauvage, de pâles, grasses et douces talcachuaennes. Des filles de l'isthme, languides et aux creuses, aux chevelures bleues. De jolies et vives mexicaines dorées de soleil, et même de brusques, de rauques et de charmeuses espagnoles du vieux monde, en cheveux folles, yeux fous, sèches crinières folles d'un brun fauve, promenaient leurs boudoirs étroits mais confortables sur l'océan, le long des puissantes bosses et des courbes rentrantes du massif demi-continent de forme, on dirait triste. Que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento. Y después que gozo y a vivir lo vuelvo, pensando en los de ahora, no sé lo que siento. Novillo sin guampa, yegua sin cencerro, potros que se doman a fuerza y cabresto, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Pucha que son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Tuito es hielo afuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y ni yo me duermo. Y pa' peor, el hondo de mi pensamiento brillan encendidos dos ojos matereros que persigo al ñudo pa' quemarme en ellos. Son los ojos brujos que olvidar no puedo porque ya pa' siempre me han robado el sueño. Pucha que son largas las noches de invierno.